C'est le temps du commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque que vous pouvez lire sur les sites de Centre-Art, www.centreart.qc.ca. Il y a aussi Québec Pop au www.québecpop.com. Et finalement, ma page Facebook de Canrock, CAN-ROCK sur Facebook. Et vous allez trouver mes commentaires de disque. Cette semaine, l'album « Nous » de l'artiste Kiris. Participant à Rond-Point 4 en 2017, une série de semaines de création réalisées par l'Association des professionnels de la chanson et de la musique en Ontario, Kiris nous propose aujourd'hui un EP qui s'appelle « Nous », une belle carte de visite en toile de fond « L'humanité ». Il débute sans contredit avec la pièce du disque qu'on va entendre en fin de commentaire, la pièce « Le cœur du monde ». Cet extrait nous donne l'essence même de cet auteur, compositeur, interprète franco-ontarien d'origine française. Il a un message très intéressant, c'est un univers de musique du monde auquel s'ajoute un message d'humanisme et de vivre ensemble avec l'amour du prochain. Je vous donne bien sûr des adresses pour vous procurer cet album-là. C'est un petit EP de 6 chansons. Kirismusic.com, K-Y-R-I-S, musique en anglais.com ou encore www.apcm.ca. Comme je vous disais, il y a plusieurs bonnes pièces sur cet album-là. On va y aller tout simplement avec Ma cabane. Encore là, écoutez le mood, la mélodie et le texte, c'est vraiment intéressant. Donc voici l'artiste franco-ontarien d'origine française, Kiris, avec tout simplement Ma cabane. Il pleut des larmes. autres pièces extrêmement puissantes sur cet album-là. Il y a celle qu'on vient d'entendre, « Ma cabane ». Kiris nous offre une belle métaphore sur le matériel qui, pour représenter le mal de l'âme. Tout ça déposé sur un crescendo qui progresse en nous. Il y a la pièce qu'on va entendre dans quelques instants, « Le train ». Une autre belle métaphore sur l'expression que l'on dit souvent, lorsque le train des opportunités passe, il faut sauter dedans. « Je te laisse » est vraiment un message puissant, ce que nous laissons aux générations de demain, en espérant qu'ils sauront l'embellir et non le détruire comme nous l'avons fait. Et finalement, « Équilibris », eh bien ça, c'est encore un autre beau message, celui de l'humanité, vivre avec son prochain, nos voisins planétaires, afin de vivre avec non pas la notion du « je », mais plutôt la notion du « nous », d'où le titre de l'album. On va y aller avec une autre pièce. Voici l'artiste franco-ontarien Kiris et sa chanson « Le train ». J'ai pris le train, une bouffée d'oxygène, attisé le feu qui brûlait dans mes veines, craché le charbon qui encrassait mes poumons, renversé la vapeur dans la bonne direction. J'ai rejoint ceux qui roule vers l'avenir. Mon voisin rêvait aussi un jour de partir. Propulsé comme un boulet de canon, le train nous emporte tout droit vers l'horizon. Monte avec nous, allez monte, monte avec nous, allez. Petit univers fort intéressant et paisible, c'est ce que nous offre cet album-là. L'auteur-compositeur-interprète franco-ontarien Kiris nous offre une belle toile de fond sur l'humanité aux couleurs de musique du monde, un thème puissant, le « nous » et non pas le « je ». Autant les orchestrations que le timbre de voix nous fait du bien et nous interpelle avec un positivisme rassembleur. Découvrez l'univers de Kiris via son site internet kirismusique.com, K-Y-R-I-S, musique avec un C.com, ou encore le www.apcm.ca pour vous procurer son album « Nous ». Très, très bon album. On va y aller, si vous voulez bien, avec, selon moi, la pièce de l'album, le succès. C'est un verre d'oreille qui va vous rester dans la tête toute la journée, toute la soirée. Voici Kiris et le cœur du monde à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. J'ai voyagé d'un bout à l'autre en funambule sur les frontières, l'amour se sirote comme une menthe à l'eau. Tout autour de la terre, à ceux qui ont des idées haut placées et qui ignorent notre idéal, allez voir comme le monde est beau. Plus que ce que vous pensez, puisqu'ici bas, le cœur du monde, faut qu'on entende haut, le cœur du monde, puisqu'ici bas, le cœur du monde, faut qu'on entende haut, haut, le cœur du monde, puisqu'ici bas, le cœur du monde, faut qu'on entende haut, le cœur du monde, puisqu'ici bas, le cœur du monde, faut qu'on entende haut, haut, le cœur du monde. Le fond de vos cœurs, montrez-moi vos visages que j'y peine. Des sourires en couleur, je rêve d'un effet planétaire. Que tout le monde se prenne la main, qu'on fasse vibrer cette planète Terre. De meilleurs lendemains, jusqu'ici bas, le cœur du monde, faut qu'on entende haut, le cœur du monde, puisqu'ici bas, le cœur du monde, faut qu'on entende haut, haut, le cœur du monde, puisqu'ici bas. Faut qu'on entende haut, le cœur du monde, puisqu'ici bas, le cœur du monde, faut qu'on entende haut, haut, le cœur du monde. Jeter secousses, le cœur du monde, faut qu'on standardise, le cœur du monde, avant qu'ils l'interdisent, le cœur du monde, faut qu'on l'entende comme un tambour, le cœur du monde, faut qu'on l'entende tous les jours, le cœur du monde, levez les bras pour, le cœur du monde, élevez vos voix pour, le cœur du monde, à l'unisson criez encore, le cœur du monde, à l'unisson criez plus fort, le cœur du monde, à l'unisson criez encore, le cœur du monde, à l'unisson criez plus fort, le cœur du monde, à l'unisson criez encore, le cœur du monde. À l'unisson crier plus fort, le cœur du monde. À l'unisson crier encore, le cœur du monde. À l'unisson crier plus fort, le cœur du monde. Des affaires pas nécessaires. Je sers la petite main de tous mes chers voisins. Di-lai, di-lai, di-lai, di-lai, di-lai, di-lai, di-lai, di-lai, di-lai, di-lai, di-lai, di-lai, di-lai, di-lai, di-lai, di-lai, di-lai, di-lai. Il y a Jérôme qui vend son pain, du pain blanc puis du pain brun, puis Arthur qui vend son vin, puis il est bon rien. Lui, Sidon puis Anatole qui ont jamais fini l'école. Ils ont préféré faire carrière dans le domaine du marché noir. Et puis y a Pierre Claire, Marie Claire, qui venait tout juste d'avoir un joli petit garçon qui attire l'attention du canton. Un jour, quand il sera grand, il héritera de ses parents. Il sera propriétaire de la caisse populaire. Non, mais quand je suis allé, j'ai eu la chance de rencontrer ce cher monsieur Thury qui était en train d'acheter les produits de Jean-Louis qui était en vente à moitié prix pour faire concurrence à Fernand. Il donnait presque gratuitement. C'est pas tant de brocolis, c'est tomates et c'est radis, c'est salade et c'est oignons, c'est choux-fleurs, c'est champignons, c'est paille, c'est travail, c'est beurre, c'est navet, son bretagne et son céleri, récolté l'avant-midi. C'est pas tant de brocolis, c'est tomates et c'est radis, c'est salade et c'est oignons, c'est choux-fleurs, c'est champignons, c'est paille, c'est framboise, c'est bleu, c'est navet, son bretagne et son céleri, récolté l'avant-midi. Quel beau souvenir, la gigue du marché, deux saisons. Et oui, j'ai été chercher ça loin. Ça vient de l'album Entre le solstice et l'équinoxe, premier album du groupe Deux saisons. Et pourquoi que j'ai un spécial de deux saisons cette semaine? C'est parce que, bon, c'était un groupe très populaire dans les années 90-2000. En Ontario, ils ont beaucoup, beaucoup tourné un peu partout. Je pense qu'ils ont fait les moindres recoins de l'Ontario. Ils ont joué là, dans des salles assez intéressantes, des salles petites, des salles limite. Mais ils ont fait beaucoup, beaucoup de routes. Ils ont été joués aussi, je pense, du côté de l'Acadie, peut-être une fois ou deux. Ils ont aussi joué au Québec. Donc, c'est un groupe de musique folklorique, musique folk assez intéressant, qui a connu une très belle carrière. Ça s'est terminé aux alentours des 2000-quelques, je pense, c'était 2002-2003. Là, ils sont de retour. Pourquoi ils sont de retour? C'est parce que Deux saisons fut le premier groupe à jouer au premier Festival du Loup de La Fontaine dans la région de Penetangouchene. Et aujourd'hui, ben cette année, on fête les 15 ans de ce festival-là. Et pourquoi pas voir si c'est possible, hein, parce que c'est souvent dans l'air, c'est souvent très populaire et le monde aime ça, de voir un retour de deux saisons pour venir fêter les 15 ans du festival comme tel. Eh bien, j'ai lancé cette idée folle-là, là, deux ans à peu près, et puis, eh oui, ça marche. Ils seront le 14 juillet prochain du côté de La Fontaine, en Ontario, pour fêter les 15 ans du Festival du Loup, et je pense que ça va être toute une soirée. Je vous envoie deux autres chansons. Le bon verre de scotch tiré de l'album Deux saisons, et aussi l'autre bonne pièce, c'est Entre un micro et une guitare tiré de l'album Plus ça change, moins c'est pareil. Voici deux saisons. Y'a rien comme un bon verre de scotch. À 4h du matin, c'est too much. Y'a rien comme un bon verre de scotch. Quand t'as faim, pis t'as même plus de pinot. On a une histoire à vous raconter. Ça se passe au comptoir de notre bar préféré. C'était un lundi soir où on n'était pas supposé de se mettre à boire comme des mal élevés. Tout allait bien, on était bien partis. Il y avait Fritz dans son coin avec une blanche de Chambly. Il se mit à chialer des injustices de la vie. On lui a dit c'est pas grave si tu chantes ce qui suit. Y'a rien comme un bon verre de scotch. c'est too much. Y'a rien comme un bon verre de scotch. Quand t'as faim, pis t'as même plus de pinottes. Dave, il boit pas, il prend jamais un coup. Mais là, ce soir-là, il a bu comme un trou. Il a laissé pour une fois son violon de côté. Et c'est à haute voix qu'on l'entendit chanter. Y'a rien comme un bon verre de scotch. À 4 heures du matin, c'est too much. Y'a rien comme un bon verre de scotch. Quand t'as faim, pis t'as même plus de peanuts. Marek, y'est correct. C'est un gars qui parle pas ben gros. Mais 5-6 vodka et puis 7-8 kilos. Il te raconte sa vie qui se résume en ces mots. Y'a rien comme un bon verre de scotch. À 4 heures du matin, c'est too much. Y'a rien comme un bon verre de scotch. Quand t'as faim, pis t'as même plus de peanuts. V'là mon Jean-Marc, avec un verre de cognac. Plus qui boit, plus qui sac. Il a de l'air connu sans ses accordéons. Mais ça l'a pas empêché de yodeler cette chanson. Yodelé, yodelé, yodelé. Y'a rien comme un bon verre de scotch. Yodelé. À 4 heures du matin, c'est too much. Y'a rien comme un bon verre de scotch. Quand t'as faim, pis t'as même plus de peanuts. Pis moi, j'étais là avec ma gang de chums. J'me sentais coupable d'avoir autant de fun. Parce que dans le fond de ma conscience, je pensais à ma blonde. Oh, pis de la merde, paye-nous un autre ronde. Y'a rien comme un bon verre de scotch. À 4 heures du matin, c'est too much. Y'a rien comme un bon verre de scotch. T'as même plus de peanuts. Y'a rien comme un bon verre de scotch. À 4 heures du matin, c'est too much. Y'a rien comme un bon verre de scotch. Quand t'as faim, pis t'as même plus de peanuts. Très bien dans ma vie, mon père t'a fait, ma mère aussi. Il paraît que j'avais un avenir certain. J'allais à l'école, je prenais pas de drogue. Les fins de semaine, j'avais une job et j'écoutais du Joe Dassin. Mais j'ai dû fucker quelque part. J'ai perdu le sud, j'ai perdu le nord. Je me suis retrouvé dans le fond d'un bar, entre un micro et une guitare. Je sais pas trop ce qui est arrivé. J'ai décidé d'en faire un métier parce qu'il paraît qu'il faut gagner sa vie. J'ai pris mes clics et puis mes claques, je veux dire mes pics et puis ma taque et puis enfin j'étais parti. Je me suis retrouvé un peu partout, en Capus, Kissing et puis Moscou. Je me suis retrouvé dans un monde de fous. Je me suis retrouvé surtout dans un trou. Des fois c'est mieux de rester chez eux. Au lieu de courroyer la planète, c'est plus tranquille puis on dort mieux. J'aurais dû écouter mon vieux au lieu de me prendre pour un poète qui gagne sa vie à faire la fête. J'ai eu trois femmes dans ma vie, puis toutes les trois étaient jolies, puis toutes les trois m'ont sacré là. J'ai pas pleuré, j'ai fait mon tort toutes les trois fois, j'ai pris une brosse, c'était assez triste, mais c'est comme ça. Mais je peux pas les blâmer, je leur ai jamais rien donné, à part des tunes sur trois accords que je leur dédiais soir après soir. Des fois c'est mieux de rester chez eux, au lieu de courroyer la planète, c'est plus tranquille puis on dort mieux. J'aurais dû écouter mon vieux au lieu de me prendre pour un poète qui gagne sa vie à faire la fête. Tranquille, puis on dort mieux. J'aurais dû écouter mon vieux au lieu de me prendre pour un poète qui gagne sa vie à faire la fête. Y'a pas de morale à ma chanson, je fais juste me plaindre comme de raison en espérant que quelqu'un qui me comprend. Si jamais je tourne la radio, si jamais ça devient beau, je me dirai que j'ai pas perdu mon temps. Sinon, je retrouverai poqué quelque part entre le pôle sud et le pôle nord. Passé comme fou dans le fond d'un bar entre un micro et une guitare. Et une guitare.